Chers amis, bonsoir. Eh bien, nous avons rendez-vous ce soir au Bois Sacré. Et vous voyez, je vous y attends. Je vous y attends pour vous dire quelques mots d'une pièce de Robert de Flers et Géa de Georges Armand de Caillavet, Le Bois Sacré, qui fut créé il y a tout juste 49 ans, je m'excuse, un an de plus, et nous aurions célébré ensemble le cinquantenaire de cette charmante comédie, mais nous n'avons pas pu attendre pour vous la présenter. En effet, je pense que Flers et Caillavet sont trop rarement sur nos écrans. Ce sont des écrivains délicieux qui ont tenu une place immense dans le théâtre moderne. Et quand on y réfléchit, il me semble que les pièces légères, les pièces souriantes, les pièces aimables tiennent mieux le coup, comme on dit communément, que les pièces très prétentieuses à travers les siècles derniers, et en tout cas certainement dans le siècle actuel. Bref, Le Bois Sacré est la deuxième des pièces de la série de satire, satire infiniment légère et souriante, de satire politico-mondaine de Flers et Caillavet. La première avait été Le Roi, la troisième sera, quelques années plus tard, La Bivère. Ce fut en 1910 que la célèbre troupe du Théâtre des Variétés créa cette comédie. Elle eut auprès du public un immense accueil, un accueil chaleureux. La critique sembla lui reprocher, en particulier M. Brisson, qu'il n'allait pas jusqu'au bout dans la satire et qu'il n'avait pas écrit une pièce amère, âpre contre l'institution et contre le régime. C'était certes point l'esprit, le désir de Flers et Caillavet. Le principal intérêt, le principal charme, à mon avis, de leur théâtre, c'est justement être un théâtre optimiste, de bonne humeur, qui ne prend rien au tragique, même pas les choses comiques. Eh bien, je vais maintenant laisser la parole aux comédiens qui, reprenant une très lourde succession, puisque cette pièce fut créée par une très grande équipe dramatique, comme de comiques, il y a près de 50 ans, vont jouer cette pièce qui, je crois, n'a jamais été reprise au théâtre depuis la création, avant la guerre de 1914. Voici donc le Bois Sacré de Georges Armand de Caillavet et Robert de Flers, que va réaliser pour vous ce soir André Leroux. Chimérique, cœurs en panne, toi et moi, amicote, la chrysalide, et c'est tout? Oui, monsieur. Mais voyons, mon cher maître, mais nous oublions votre dernier livre, le grand succès du jour, l'irrésistible, qui en est à son 122e mille. Les pauvres gens. Qui ça? Les 122 mille, les lecteurs. Oh, mon cher maître, voyons, un mot sur votre existence. Voyons, mon existence, Je sais pas, moi. Je suis heureuse. Ça, c'est pas intéressant. Vous habitez beaucoup la campagne? Ah oui, 6 mois au moins par an. Hein? Mon mari s'occupe d'élevage et d'agriculture. Vous aimez votre mari? Oui, monsieur. Ah, vous prenez du café? Non, monsieur, non. Pas d'enfant, naturellement. Pourquoi naturellement? Parce que je prends pas de café? Ah, non, mais une femme de lettres. Ah. Il y a longtemps que vous êtes mariée. Oh, mon Dieu! Paul! Paul, une chose inouïe. Et quoi? Sais-tu combien il y a de temps que nous sommes mariés? Mais non. 10 ans. C'est pas possible. Comment as-tu appris ça? C'est monsieur qui vient de me le dire. Alors ça, c'est épatant. Monsieur, c'est épatant. Dire que si vous n'étiez pas venu, nous n'aurions peut-être pas su. Oh, tu sais, ça ne m'ennuie pas du tout de m'apercevoir qu'il y a tout ce temps-là. Et moi non plus. On y a un vieux ménage très jeune. Il y a tant de jeunes ménages très vieux. Tiens, c'est ma tournée. Mais tu danses, monsieur? Il est parti, il a eu peur. Oh, il nous a peut-être trouvé ridicule. Nous le sommes. C'est pas très bien porté d'être heureux. Hein. On s'en fiche, on s'aime bien. On s'aime mieux que ça. Dis-nous, à propos, il faut que je te demande quelque chose. Oui, j'y ai pensé l'autre jour, par hasard, tu sais, enfin, j'y réfléchis un petit peu. Moi, c'est pas mon métier de réfléchir. Et quoi? Je voudrais savoir comment il se peut qu'une femme comme toi aime un homme comme moi. Oui. C'est ça qui t'intrigue. Oui, madame. Eh bien, je t'aime parce que tu te portes bien. Quoi? Oui, je t'aime parce que tu es un bon gars solide, lassant des tours, et que tu as toujours l'air d'être à l'heure de la récréation. Tu voudrais être méchant, tu ne saurais pas. Non. Il y a quand je t'embrasse, ça a comme un goût de tartine. Mais pas de tartine en pain de ville, de tartine en pain vie. J'ai faim. Ah, eh ben voilà. C'est pas très fort ce que tu viens de dire, hein. Eh bien, moi, j'aime ça. Tu comprends? Oui, je comprends que tu m'aimes, ça me suffit. Et toi, pourquoi m'aimes-tu? Tu sais, moi, je ne cherche pas. Oh là là, ça n'est pas mon affaire. Quand il fait beau, je ne me dis pas pourquoi fait-il beau temps. Je vais me promener et je suis heureux. C'est comme ça que je t'aime. Tu n'as jamais rien regretté? Non. Souvent, j'ai eu peur que... Que quoi? Que ça t'ennuie, que j'écrive. Ah non, ce qui m'ennuierait, c'est d'écrire, moi. Mais du moment que tu ne m'y obliges pas. Et puis, tu as tellement peu l'air de ce que tu es. Il n'y a pas moins gens de lettres que toi. Ah ben, c'est bien naturel. Oh non, oh non. Oh, mais si, tu sais bien comment ça a commencé. Un jour, par hasard, parce qu'il pleuvait, j'ai fait une nouvelle. On m'a dit que c'était bien. J'en ai fait une plus longue. On m'a dit que c'était un roman. Alors, j'ai continué. Mais travaille, mon amour, travaille. Je ne suis pas jaloux de tes romans. Ah, pourtant... C'est un peu comme des enfants que tu aurais eu sans moi. Ah oui, si j'en avais eu d'autres, de vrais enfants. Je n'aurais pas écrit, je leur aurais appris à écrire. Oui, c'est dommage, les enfants sont des livres qui ne finissent pas. Dis donc, ça n'est pas ma faute. Mais console-toi, tu m'aides beaucoup, tu sais. En quoi? Eh bien, moi je suis l'auteur de mes livres, mais toi tu es l'auteur de mon bonheur. Et si tu cessais tout à coup de me rendre heureuse, eh bien tous mes romans finiraient mal et je serais invendable. Voilà. T'inquiète pas. C'est bien sûr, tu ne m'as jamais trompée. Sûr. Tu as pourtant l'air bien tranquille, hein? Je suis tranquille parce que je suis content. Je suis content d'être content. C'est épatant d'être content, il n'y a rien de mieux. Il faut savoir. Oui. Qu'est-ce que c'est? Madame, ce sont les livres. Ah. Oh là là. Posez ça là. Oh là, là là, y en a-t-il? Mais dis donc, c'est ma provision pour l'été. On part toujours mardi, hein? Ah oui, à moins que tu ne veuilles retarder. Ouh, jamais de la vie, jamais de la vie. Moi, je suis si contente de voir des arbres, de vrais arbres. C'est vrai. Sais-tu pourquoi on est si rose dans les salons? C'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. C'est vrai, tu sais, il y a des choses qu'on n'ose pas dire dehors. Eh bien, on va s'en piller du dehors. On va y rester 4 mois dehors. Plus d'agitation, plus de sortie, plus de réjouissance, c'est la noce. Tiens, aide-moi à porter ça là-bas. Mais oui, mais oui. Je vais en chercher d'autres. Mémoire de la duchesse de Dino, mémoire de la quoi? De la marquise de Château-Renaud. Chérie, promets-moi une chose. Écris tout ce que tu voudras, mais n'écris jamais tes mémoires. Pourquoi? Parce que j'y serai. Et que ça m'embêterait d'être dans la littérature française à côté de tas de gens que je ne connaîtrais pas. C'est vrai, j'ai l'impression que j'aurais l'air un peu père. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une lettre. Oui, une lettre oubliée dans ce livre, donne-moi. Tiens, voilà. Mon chéri... Ce n'est peut-être pas discret de lire cette lettre. Non, mon chéri, depuis que j'ai quitté Paris, je ne cesse de penser à toi. C'est une petite femme très gentille qui écrit à son mari. Nous sommes installés à Monte-Carlo, mon mari ne me quitte pas, ta pensée non plus. C'est peut-être une petite femme très gentille, mais n'écrit pas à son mari. Ce pays est d'une poésie inouïe. Je m'amuse follement pour essayer de t'oublier un peu, mais ça ne réussit pas toujours. Car la présence constante de mon mari me fait continuellement souvenir que j'ai un amant que j'aime. Oh. Il me semble que j'ai des violettes dans le cœur. Avant-hier, nous avons été aux îles de Lérins, sur le yacht des Marshall. Mais figure-toi que la mer était si mauvaise que nous avons dû coucher au couvent. Nous devions repartir le lendemain matin, mais ce satané petit Marshall est tombé dans le lavoir. Allons bon. Pendant ce temps-là, ce vieux sagouin de père Marshall, qui se promenait avec moi, essayait de m'embrasser dans le cou en me disant des horreurs. Le vieux dégoûtant. C'est mon mari qui a repêché le mioche. Il y a gagné un affreux rhume de cerveau. Oh, pauvre type. Écoute-moi bien, tu vas déchirer ce mot aussitôt lu. N'oublie pas que tu m'as donné ta parole d'honneur de détruire toutes mes lettres. Tu me l'as juré sur la tête de ta vieille tante, la chanoinesse de Saint-Balmont. À bientôt, baiser, tendresse. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, mon chéri, j'ai un avis très net. C'est que la chanoinesse de Saint-Balmont est foutue. Attends, attends, il y a post-scriptum. Ah. J'oubliais de te dire que pour la chochotte, mon mari préfère les petites chinoises aux volubilis. Quoi? J'oubliais de te dire que pour la chochotte, mon mari préfère les petites chinoises aux volubilis. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, c'est très original, les mémoires de la duchesse de Dino. Oh, moi je garde cette lettre, c'est amusant. Bon. Monsieur Lefarget demande si madame peut le recevoir. Oh là, un instant. Il vient bien souvent, notre petit voisin. Oh, il est gentil. Bon, moi je file. Nous avons au ministère de l'Agriculture à 5 heures, oui, une importante réunion de la commission d'IARA. Et toi, tu sors? Non, moi j'attends Marianne de Ternay qui vient me dire au revoir. Ah. Il faut que je finisse ce rapport pour le comité du prix des femmes de lettres. Oh, oh, oh. Oh, mais il s'agit de notre prix annuel et j'ai une candidate à laquelle je tiens beaucoup. Qui est-ce? Madame de Valrenay. On peut dire que tu n'es pas jalouse, toi. Pas jalouse. Et c'est un peu jalouse. Tu verras ça. Et pas peur. Mm. Bonjour et au revoir, fidèle des Fargettes. Bonjour des Fargettes. Savez-vous que mon mari vient de me faire des observations à propos de votre assiduité? Ah, ah! C'était vraiment pas la peine. Oh, si j'avais su. Si vous aviez su, vous seriez tout de même venu. Mais c'est vrai, chaque fois que je passe devant votre porte, je m'arrête. C'est plus fort que moi, votre domestique vient m'ouvrir. C'est plus fort que lui. Ah, enfin, j'entre, vous me recevez et je vous dis... Je vous aime. Vous m'aimez? Oh, non, oh. C'est vous qui me dites je vous aime. Oh. Alors voilà, c'est dit, c'est fait, vous êtes libre à demain. Non, mais vous vous moquez de moi. À peine. Oh, ben, pourtant, l'autre soir, à l'ambassade d'Angleterre, vous avez été plus encourageant. Je me suis permis de vous dire des choses, enfin, une espèce de déclaration, et vous l'avez écouté. Oui. Avec plaisir. Ah. Et ça, pour un tas de raisons. D'abord parce que vous êtes très gentil. Ensuite parce que comme vous êtes attaché au protocole, tout ce que vous pouvez me dire ne peut avoir aucune importance. Oh. Et enfin parce qu'il n'y a vraiment que les femmes honnêtes pour goûter une déclaration. C'est tout ce que nous connaîtrons de la faute, alors nous aimons ça. Ah. Vous connaissez Moïse? Il est à la bourse? Non, dans l'Histoire sainte. Ah oui. Eh bien, Moïse devait, par l'ordre du Seigneur, s'arrêter au seuil de la terre promise. Et à cause de cela, du haut de la montagne, il la regarda avec des yeux beaucoup plus émus que ceux qui allaient y entrer. Voilà. Ah oui, d'après vous, Moïse aurait été une espèce d'honnête femme. Ah oui. Bon. Enfin, j'avais aujourd'hui une prière, deux prières à vous adresser. Eh bien, priez. Eh bien, voilà. J'ai appris que vous alliez décerner un prix à un ouvrage paru cette année. Oui. Eh bien, je m'intéresse beaucoup à une petite femme. Hein? Oui, une petite femme de lettres qui écrit. Très bien, d'ailleurs. Alors, je me permets de vous recommander chaleureusement l'ouvrage que voici. Ben, dites-donc, il n'est pas gros, hein? 8 jours à Lisbonne ou l'impression d'une Parisienne en Espagne. En Espagne? Oui. Eh bien, c'est à la Société de Géographie qu'il faudrait recommander ce livre-là. Oh? Oui, il en a besoin. Chez nous, il n'a aucune chance. Oh... Je suis très contrarié, parce que soit c'est une personne à qui j'avais promis de faire un petit cadeau, alors j'avais espéré que le prix... Vous comprenez? Mais dites-donc, vous êtes un joli coco, vous! Ça m'avait paru tout simple, croyez pas, non? Non, et n'ayez pas de regrets. Et j'ai une candidate à laquelle je tiens beaucoup. Oui, c'est l'auteur d'un très beau livre, L'amour brisé. Je ne la connais pas, mais elle peut compter sur moi. Et comment s'appelle-t-elle? Madame de Valrenay. Madame de Valrenay. Ah bon? Enfin, j'espère que vous accueillerez ma seconde requête. Bien, voyons, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà, j'ai dîné avant-hier chez mon oncle, le baron des Fargettes. L'ancien ambassadeur? Oui, c'est un homme très important. Il a fait des choses considérables. C'était d'ailleurs des gaffes. Si elles étaient considérables. Elles l'étaient. Alors, aujourd'hui, il est de l'Institut et membre du Conseil de la Légion d'honneur. J'ai rencontré chez lui avant-hier un homme des plus pittoresques, qui est absolument fou de votre dernier roman, L'Irrésistible. Il désire beaucoup vous être présenté. Ah, qui est-ce? Le comte Zakouskine. Zakouskine. Ah, c'est vrai, j'ai entendu. J'ai entendu ce nom-là, ah, oui. Oui, très connu. Il est directeur de la chorégraphie dans les théâtres impériaux de Pétersbourg. Ah. Il est venu spécialement à Paris pour préparer la saison des ballets russes. Mm-hmm. Oh, le colonel vous amusera beaucoup. Colonel? Quel colonel? Zakouskine. Il est colonel. Ah, il est colonel et maître de ballet. Oui, cumul. Alors, je me suis permis de lui donner rendez-vous ici pour vous le présenter. Mais il est même très en retard. Eh bien, je le recevrai volontiers. Oh, merci. Je vous demande pardon. Je ne peux pas m'attarder davantage. Je suis attendu au protocole. Allez. Et n'oubliez pas, chère madame, que malgré vos rigueurs, je vous suis éperdument dévoué. Ah, justement, voici, permettez-moi de vous présenter le colonel comte Zakouskine, madame Marjorie, dont vous appréciez tant les œuvres. Tant et tant. Au revoir, madame Moïse. Et vous savez, éperdument dévoué. Oh, souffrez! Souffrez! Cette petite fleuret. Oh, c'est merci, ça. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les paysans. Il est ravissant, hein? Cher monsieur, si vous voulez vous asseoir. J'obéis et je m'assieds sur ce divan avec grâce et reconnaissance. Mais enfin, monsieur, vous êtes bien russe. Si, signora. Alors, votre accent. Ah, je comprends, je devine. Je vais vous expliquer. Il y avait autrefois un consul de Russie, très grand, très beau, toujours ivre, enfin un grand seigneur. Dans une rue beaucoup plus large, vivait une Napolitaine, la plus belle femme de toute l'Italie, comme toutes les Napolitaines. Un soir au théâtre San Carlo, ils s'aperçurent, et sans être un regard, chargé de toutes les flammes du Vésuve et des tempêtes de l'Oural. Et de ces regards, Zenaki. Oh, comme il faut peu de choses. Ne fais pas. Quelques instants après, quand j'ai été atteint de ma majorité, J'ai dû opter entre l'accent russe de mon père et l'accent italien de ma mère. J'ai toujours entraîné du côté de la femme, alors j'ai choisi l'accent de ma mère. C'est excuse. C'est excuse, j'allais le dire. Cet élément excuse que je ne peux pas penser à l'idée que j'ai eu là sans éprouver une émotion. Que c'est bête cette sensibilité. Ah, madame, j'oubliais de vous adresser une supplication instante et respectueuse. Eh bien, que si cela dépend de moi. Je vous en supplie, madame. Qu'il ne soit jamais question d'amour entre nous. Mais ça, monsieur... Non, madame, non, non, ça, je préviens toujours. C'est pour moi un devoir pour éviter tant de catastrophes. Et j'arrive, madame, à l'objet de ma visite. Je vous écoute. Dites-moi, madame, comment me connaissez-vous? Je ne comprends pas. Quand donc m'avez-vous percé à jour? Je n'ai jamais eu la moindre intention de vous percer à jour. Oh, c'est une inexplicable prodige. Car qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, c'est mon dernier roman, l'Irrésistible. Non, madame, c'est moi. Quoi? Dites un peu quel est le sujet du livre. Eh bien, c'est l'histoire d'un homme séduisant au possible. Justement. Tendre, passionné, un cœur ardent, une intelligence très fine, parfaite élégance de l'esprit. Oh, c'est prodigieux, hein? Il rencontre une jeune fille exquise et pauvre. Il l'aime, il en est aimé. Mais un soir, au moment de la prendre dans ses bras, il songe qu'il a deux fois son âge. Mmh. Alors, il se reprend. Il s'arrange sans qu'elle le sache pour lui laisser une partie de sa fortune. Et sans lui dire adieu, il part pour une expédition au Tibet, voilà. Eh bien, madame, vous avez écrit là l'histoire de ma vie. Non. C'est. Oh. Il s'en faut de quelques détails infirmes. Moi aussi, j'ai rencontré dans une cassine de ma patrie... Une jeune fille. Non, une dame, un peu forte, énorme même. Bon, elle était riche, elle m'aima. Je fus à elle. Elle m'aimait. Elle avait de la tendresse. Beaucoup de la tendresse. Parfois, elle me prenait dans ses bras et faisait en courant les tours du jardin. Moi aussi, une soir que j'étais assis sur ses genoux, j'ai pensé qu'elle avait deux fois mon âge, qu'elle pourrait être ma mère. Moi aussi, je m'arrangeais sans qu'elle le sût pour emporter une partie de sa fortune. Et j'ai parti brusquement, sans lui dire adieu, pour entreprendre une saison à trouver. Eh bien, ne c'est pas prodigieux, l'avouez-vous? Non, je l'avoue. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai tellement voulu vous connaître. Et vous ne vous êtes certes pas arrêté là. Certes. Que vous dire pour ne pas être fat? J'ai plaisé. Oui, c'est assez curieux. Quand je suis quelque part, je sens que je plais. Oh, ce n'est pas moi, non, c'est le sable de ma race. Ah, le charme slave. Vous le sentez, Non. Et, comme ça? Comme ça non plus. Comme ça non plus. Ah, c'est étrange, car c'est en France qu'on a inventé le sarme slave. Nous ne savions pas qui nous l'avions. Vous nous l'avez dit, nous l'avons cru. Et depuis, nous nous en sommes servis. Et moi, plus que tout autre, car je suis plus que slave. Je suis tcherkesse. Alors ça, vous le sentez. Pas encore. C'est étrange. Mon pays est celui des musiques berceuses et des danses lassies. Et vous êtes lassie. Infiniment, c'est ce qui m'a fait réussir dans l'administration. Vous êtes un chorégraphe célèbre. Nous, illustre soufi. J'ai la gloire en effet d'avoir inventé une tsarda qui, je vous demande pardon, porte mon nom. Je veux la connaître. Oh, mais la musique divine, c'est une œuvre géniale. Et quand je pense que tout cela est sorti de mon cerveau, je suis obligé de rester en admiration devant moi pendant quelques instants. Vous m'entendez? Que c'est bête. C'est la tête. Les vents glacés passent à travers les saules, puis à travers les sapins, puis à travers les chênes. Les jeunes filles passent éperdues d'amour. Les jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles. On en met tant qu'on veut, ça dépend de la grandeur du théâtre. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est le printemps, avec son cortège de fleurs, des rires et des boutons. Pas tout printemps. Alors, les jeunes filles rejoignent les jeunes gens. Alors, les jeunes gens, c'est tout porte à la rêverie, n'est-ce pas? Ils se jettent sur elles et les possèdent. Alors là, pas de la possession. Hein? Et je te possède, tu me possèdes, je te possède. Tu... Seulement, c'est un pas qu'on fait toujours très court, parce qu'il y a toujours des enfants dans la salle. Je te possède, tu me possèdes. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le comte Zakouskine, organisateur des ballets russes à Paris, mon mari. Oh, tous mes compliments, madame, il est ravissant. Souffrez, monsieur, souffrez. Madame, puisque ma tsarna a l'heure de vous plaire, je vous apporterai la musique. Mais j'en suis ravi. Monsieur, j'éprouve pour vous les plus vifs sentiments. Vous les sentez? Vous les sentez pas? Pas tellement, non. Comme ça. C'est... Ah, comme ça, ça va mieux. Ah, j'en étais sourd. Excuse, madame, au plaisir. Messieurs. Monsieur. Si. Oh, si. Oui. Oh, c'est pas quoi. Oh, mon petit Paul, qu'est-ce que tu dis de ça? Et moi, je dis que ça me donne une sacrée envie d'être la semaine prochaine dans notre vieux Périgord, où il y a du vrai ciel sur de la vraie campagne. Oh, je t'aime bien. Mmh. Tu le sais. Non. Ah. Non. Et comme ça. Oui. Ah. Oui. Je reviens. Ah, Louise. Louise, vous rangerez tous ces livres-là dans la malle. Celui-là aussi, madame. Oui, celui-là. Donnez-moi. J'oubliais de te dire que pour la chochotte, mon mari préfère les petites chinoises au volubilis. Mais je voudrais bien comprendre, moi. Cette dame demande si madame peut la recevoir. Madame Champmorel, mais c'est... Oui, faites entrer, faites entrer. Oh, madame, madame, excusez-moi de me présenter ici sans être connue de vous. Mais comment donc, madame? Parlons votre nom. Seriez-vous parente de monsieur Champmorel, le directeur des Beaux-Arts? C'est mon mari. Oh. Je suis la directrice des Beaux-Arts. Oh, je vous félicite, madame. Il n'y a pas de quoi, madame. Je voulais vous asseoir. Merci. Ai-je besoin de vous dire que je suis de vos admiratrices? Oh, je ne sais comment vous remercier, madame. Oh, en m'accordant ce que je venais vous demander. Tout à vos ordres. Je voudrais avoir le patronage de votre comité pour une représentation de bienfaisance que nous organisons. Il n'y aura que des amateurs au programme. Je vous suis tout acquise, mais au profit de qui? Voici, il existe, vous le savez, des œuvres qui s'occupent du placement des libérés de Saint-Lazare, des jeunes gens qui sortent des maisons de correction, enfin de tous ceux dont les débuts dans la vie sont particulièrement pénibles. Nous avons voulu venir en aide à des victimes non moins intéressantes, à qui il est presque impossible de trouver un gagne-pain. Et qui donc? Les anciens premiers prix du conservatoire. Oh, c'est intéressant. Alors je puis compter sur vous? Mais absolument. Oh, je ne puis vous dire à quel point je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance. Vous réalisez absolument l'idéal que je me faisais de vous. Vous me comblez, madame. Oh, j'espère bien que nous n'en resterons pas là. Je veux que vous veniez à la direction des Beaux-Arts. Oh, mais je n'oserai jamais. Moi, je serai intimidée. Oh là là, comme au seuil du bois sacré. Du bois sacré? Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est une chose antique. C'était un petit peu la direction des Beaux-Arts de ce temps-là. Oui, c'était une vallée plantée d'orangers, de lauriers roses, pleine de sources, d'oiseaux, où se promenaient gentiment bras-dessous, car la critique n'était pas encore inventée. Les poètes et les artistes, les déesses, les philosophes, les... Oh, chez nous, ce n'est pas du tout comme ça. Oh non. Il doit tout de même en rester quelque chose. Je ne sais pas, moi, délire dans l'antichambre. Oh non. Il y a des parapluies. Oh. Enfin, du reste, vous verrez, notre comité se réunit jeudi à 4 heures. Je compte sur vous. Je vous présenterai monsieur Champmorel. Oh, pas trop effrayant, votre mari. Mais pas du tout. Seulement, je vous préviens, il est tantôt aigre, tantôt fade. On dirait une salade qu'on a parmeuée. C'est entendu, vous viendrez jeudi. Oh, chère madame, je suis désolée, mais nous partons mardi pour la campagne. Loin? Oh oui, la grande campagne. Oh, comme vous avez de la chance. Les occupations de mon mari nous empêchent de nous éloigner. Je vous plains. Ah, nous faisons tout de même de temps en temps une petite fugue. Mon mari s'arrange pour qu'on élève des statues dans des endroits agréables. Alors nous allons les inaugurer. L'hiver dans le midi, l'été au bord de la mer. En ce moment, il cherche quelqu'un pour l'automne. Il a envie de Biarritz. Seulement, c'est très difficile. Dans ces endroits-là, il n'y a pas de grands hommes, il n'y a que des baigneurs. Vous êtes gentille. L'hiver dernier, nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons eu le transport des cendres du général Kergarek à Cannes. Kergarek, c'est un général né à Cannes? Ah non, non, Kergarek, il était de Brest. Seulement, n'est-ce pas comme cet hiver? Oh, je comprends. Nous avons fait un séjour charmant. Nous avons passé 8 jours à Monte-Carlo. Pas trop bruyant, Monte-Carlo? Oui, oui, seulement nous avons des amis qui ont un yacht. Mmh. Alors nous avons navigué, nous avons été aux îles de Lérins. Oh, seulement figurez-vous, là nous avons été pris par une tempête, nous avons été obligés de coucher au couvent. Tiens. Ah, les capucins ont été exquis. Seulement, mon mari a attrapé un horrible rhume de cerveau en repêchant le petit marshal qui s'est tombé dans le lavoir. Oh. Enfin, madame, Mais comment savez-vous ça? Et pendant ce temps-là, ce vieux sagouin de père Marshall essayait de vous embrasser dans le cou en vous racontant des horreurs. Mais... Oh, ça c'est effrayant. Ça c'est effrayant, alors. Non, il n'y a qu'une personne qui ait pu vous raconter ça, c'est Edouard. Ah, il s'appelle Edouard. Ah, ben, comment vous ne le saviez pas? Mais alors, Edouard est un étourneau. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais où avez-vous trouvé ça? Dans le premier volume des Mémoires de la Duchesse de Dino. De Dino? Mais c'est épouvantable. J'avais fait ce matin demander ce volume au cabinet de lecture. Il est évident qu'Edouard l'avait pris avant moi et avait oublié votre lettre, voilà. Oh, je suis dans un état. Ça, ne pas l'avoir brûlé, l'avoir laissé dans un livre. Il lisait. C'est pourtant un homme bien élevé. Oui, seulement voilà, c'est un garçon qui a besoin d'épater. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais consolez-vous, madame. Oh, quelle catastrophe. Et moi qui étais venue pour que vous ayez une haute idée de moi, c'est réussi. Calmez-vous, calmez-vous. Oh, promettez-moi au moins que vous ne raconterez à personne. Oh. Même pas à votre mari, même pas à votre amant. Je n'ai pas d'amant. Oh, vous n'avez pas d'amant et vous écrivez, comme c'est drôle. Vous trouvez? Oh, oui. Oh, mais alors vous allez me mépriser. Mais non. Mais non, mais non. Voulez-vous que je vous dise une chose? Oui, je veux bien, oui. Eh bien, je vous trouve beaucoup plus sympathique que tout à l'heure. Pourquoi? Oui, tout à l'heure, vous aviez un je ne sais quoi de convenu, d'apprêté, là. Et maintenant que vous avez retiré tout ça, que vous êtes telle que vous êtes, moi, j'aime ça. Non, tout de même. Oh, si vous savez, si je suis honnête, c'est pas du tout par vertu ou par principe. C'est parce que j'ai épousé l'homme que j'aime. C'est un hasard. Qu'est-ce qu'une honnête femme? C'est une femme qui a eu de la chance, c'est tout. Alors moi, je suis une femme qui a eu de la déveine. Et voilà. Oh, ça me fait plaisir. Et puis c'est tellement vrai, si vous connaissiez ma vie. Donc j'ai tant de confiance en vous, je peux bien tout vous dire maintenant. Mais oui. Eh bien voilà, j'ai eu deux aventures. Oui. Et c'est arrivé exactement de la même manière pour la première que pour la seconde. Ah. D'ailleurs, la troisième, ça a encore été pareil. Ça, je vous jure, à chaque fois, je n'y étais pour rien du tout. Je me suis trouvée en présence d'un monsieur que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu comme un éblouissement. Un bouleversement. Un remue-ménage. C'est ça. J'ai poussé un cri, je suis tombée sur une chaise, je savais plus ce que je disais, je ne savais plus ce qu'il faisait. Vous aviez beaucoup d'excuses. Vous trouvez? Oh, je suis contente. Je suis très contente. Vrai? Oh oui, parce que je sens qu'à présent, vous m'estimez. Oh, vous me donnerez des conseils. Je les suivrai et vous verrez comme je serai honnête. Oh, ce sera amusant. Venez jeudi, venez voir ça. Malheureusement, chère madame, je vous ai dit, je ne peux pas, mais il y a une chose qui me ferait... Oh, malheur, il y a une chose qui me ferait... Très, très plaisir. Laquelle? Je voudrais... Non, je peux pas. Non, enfin, dites donc. C'est une question. Sur moi? Pourquoi M. Champmorel préfère-t-il pour la chochotte les petites chinoises au volubilis? Oh. Vous savez, si c'est trop intime, ne me dites rien. Oh, non, pas du tout. Mais ces petites chinoises, ces volubilis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des crotones pour tenture. Des crotones? Oui. Oh. Et la chochotte? Ça, c'est une petite maison qu'Edouard avait louée à Passy. C'est là que nous nous voyons. Oh. Alors, vous consultiez votre mari sur l'ameublement de la maison où... Oh, ben dites donc, ça c'est fort! Vous trouvez? Oh. Oui, peut-être. Oui, seulement, Edouard est un peu snob. Et ça le flattait beaucoup d'avoir les tentures de sa garçonnière choisies par le directeur des Beaux-Arts. Alors, moi, vous comprenez ce... Oh, mais vous êtes très gentille, vous êtes charmante. Et vous, donc, vous me permettez de vous écrire? Certainement. Oh, quelle est votre adresse à la campagne? Attendez, mon adresse, c'est un peu compliqué. Ah. Je vais vous donner une carte postale, il y a une très jolie vue de la maison, d'ailleurs. Oh, merci. Je vais en chercher une dans la chambre. Oh, oui. Madame? Monsieur? Madame et Marjorie n'est pas là. Non, elle va revenir tout de suite, monsieur. Elle est dans sa... Oh. Madame! Ah, madame, qu'est-ce que c'est, madame? Oh, c'est... catastrophe! Petite madame, oh. C'est le Sarmeslav. Oh non, ce qu'est-ce n'est rien, ce n'est rien. Je sais ce que c'est. Oh. Voilà, chère madame. Ah, chère madame, je me suis permis de vous apporter la tsarda qui avait eu l'air de tellement vous plaire. C'est ça. Merci c'est... beaucoup. Ah. Mais permettez-moi de vous présenter, le comte Zakouskine, madame Champmorel. Mais sommes, madame. Pauvre femme. Voilà, chère madame. Vous voyez, la maison est simple, mais elle a du style. Hein? Oui. Là, derrière ces arbres, il y a la ferme. Là, il y a une grande allée de chênes. Très jolie. Merci hein? beaucoup. Madame Fougel et madame de Terlet sont dans le jardin. Oui, j'arrive dans un instant. Eh bien, alors je vais vous quitter, chère madame. Merci. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, mais n'oubliez pas vos bonnes résolutions. Ça, je vous jure, je ne tromperai jamais mon mari. Oh. À la bonne heure. Plus jamais avec ce petit imbécile d'Edouard. Ah bon? Madame, il souffrira que je la mette en voiture. Très volontiers. Au revoir, chère amie. Au revoir. Excusez, madame, je prends congé. Oui, eh bien, pas plus préliminaire. ça, ça arrive. Mais ma sœur est arrivée ce matin d'Anjou. Et quand j'ai su que Marianne venait te dire adieu, je l'ai accompagnée. Tu vas bien? Et toi, Francine? J'espère. Quel succès! On ne parle que de l'irrésistible dans tous les châteaux d'Anjou. Répète-lui donc ce que tu me racontais ce matin. Nous avons donné un grand dîner au moment des carousels de Saumur. Il y avait là le général Champlain des Gageures. L'auteur du règlement sur le ravitaillement des armées en campagne. Tu en as certainement entendu parler. Non, pas du tout. Non. Eh bien, on a cité ton nom. Et il a dit, moi, je la lis, cette femme-là. Mmh. Je la lis jusqu'à la gauche. Oh, mais comment s'appelle-t-il, votre général? Champlain des Gageures. Champlain des Gageures. Ah, oui, il me semble. J'ai entendu ce nom-là. Mais c'est la gloire. Tu es traduite dans toutes les langues, couronnée par l'Académie. Mais je me demande ce que tu pourrais avoir de plus. Le ruban rouge. Oh, quelle folie. Si, si, mon mari. Et Dieu sait s'il est froid. Et persuadé que tu seras décorée avant 3 ans. Oh, ça non, par exemple. Mais tu le mérites. Je ne sais pas si je le mérite. Oh. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je ne le demanderai jamais. Pourquoi? Parce que je trouve ridicule qu'on décore les femmes. Ah? Mais oui, la Légion d'honneur n'est pas faite pour nous. N'est pas inventée pour être piquée entre un jabot de dentelle et un bouquet de roses. D'ailleurs, le rouge, ça va pas avec toutes les couleurs. Pour pouvoir porter ça, il faudra avoir une robe, une seule, toujours la même. Et il n'y a pas de femme comme ça. Si, les religieuses. Pourtant, il y a bien des femmes qui ont accepté la croix. Mais, le mot même n'est pas féminin. Mais oui, l'honneur, c'est une affaire d'homme. Nous avons l'honnêteté, c'est moins et c'est plus. Ah, tu exagères. Mais c'est vrai ça, je ne peux pas lire dans les journaux que Madame X ou Mademoiselle Y a été nommée chevalier de la Légion d'honneur sans penser que c'est fichtre pas pour elle que Napoléon Ier a créé l'étoile des braves. Non, laissons ce ruban-là aux hommes, ils n'ont que celui-là. Et nous avons tous les autres. Madame, le tout est là. Mais quelle heure est-il donc? 6 heures, madame. Nous sommes en retard. Au revoir, mon chéri. Bonne vacances. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt. Oui, c'est ça. Ah oui. Encore vous? Non mais un mot urgent. Mais excusez-moi, j'allais sortir. Non mais je suis accouru parce que je viens d'apprendre une nouvelle qui vous causera une grande joie. Quoi? Voilà, je suis venu le premier parce que je ne voulais pas que vous l'appréciez par un autre que par moi. Oui mais quoi? Mais enfin, même pour aller plus vite, j'ai demandé son auto au chef du personnel qui n'est pas commode mais qui a épousé la belle-sœur de ma sœur. Écoutez, vous m'exaspérez. Oui, j'abrège. Eh bien voilà, au 14 juillet prochain, la promotion du ministère des Beaux-Arts comprendra très probablement parmi les nouveaux chevaliers de la Légion d'honneur un nom de femme. Ah? Oui, un nom de romancière. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas partisan de la décoration des femmes, enfin pas ordinairement. Je le disais encore tout à l'heure. Oui, mais quand vous saurez de qui il s'agit, vous changerez d'avis. Croyez? J'en suis sûr. Vous serez même rudement contente. Eh bien, qui est-ce? Dites-moi. Allez, dites-moi, vite, vite. Madame de Valrenay. Ah. Me souvenant de l'intérêt que vous portez à cette dame, j'ai voulu que vous le sachiez tout de suite. Eh bien. Eh bien, c'est très bien. Comment? Vous n'êtes pas plus ravi que ça? Ben, je vous dis c'est très bien, voulez-vous que je vous dise de plus? Je pensais de... Quoi? J'allais danser en tirant un feu d'artifice? Non. J'allais vous sauter au cou? Oui, plutôt. Je ne pense pas que mon attitude envers vous ait jamais autorisé une telle inconvenance. Ah, ben, c'est pas pour dire. Mais je m'attendais à une autre réception. Écoutez, monsieur, moi, je suis pressée, j'allais sortir, alors au revoir, à bientôt. Non, c'est bon, c'est bien, je comprends, je m'en vais. Au revoir. Oh, oh, oh. Bonsoir, ma petite Francine. Bonsoir. Oh, ça, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, un peu mal à la tête. Ah, bon, nous avons eu une bonne séance à la commission d'IRA. Nous avons choisi 120 poulinières pour les changer des talons. Ah bah c'est du propre. Et les inspections commenceront le 14 juillet. 14 juillet, quelle date idiote. Le ministre de l'Agriculture donne ce soir une grande réception en l'honneur de la commission. Il y aura là tous les gros bonnets. Tu ponces avec quelle allégresse, je m'abstiendrai. Ce petit crétin de Défargette m'a appris une nouvelle. Je te la donne en 1000. Quoi, qu'est-ce que c'est? On va décorer une femme de lettres. Et devine qui? Toi? Moi, oh, bah ça non, par exemple. Tu connais assez mes idées là-dessus. Et j'y tiens plus que jamais à ces idées-là. Ah. Oui, plus que jamais. Non, mais devine, qui a-t-on été choisir? La personne à qui on pouvait le moins penser. Quelle est la personne à qui tu penses le moins? Bon, tu sais, moi... Madame de Valrenay. Ah, c'est très bien, ça. Tu m'as dit qu'elle avait du talent. Non, d'abord, je t'ai pas dit qu'elle a du talent. Je t'ai dit, voilà du talent. Écoute, Viviane était accoudée sur la terrasse. Ses yeux erraient sur le paysage grandiose, parfumé de traditions lointaines. Et elle sentait s'éveiller en elle, en même temps que l'écho des vertus ancestrales, le désenchantement de son âme moderne. Qu'est-ce que tu en dis? C'est très bien, c'est flattant. C'est idiot, voyons. Ah oui, c'est idiot. Voilà, voilà la femme qu'on va décorer. Ça passe tout de même un peu les bords, ça. Bah, oui, oh, évidemment. Au fond, c'est une honte de laisser faire une chose pareille. Oh, c'est même une lâcheté. Tu sais... Parfaitement, une lâcheté. Oui, oui, on va empêcher ça par n'importe quel moyen. Oui, en suscitant, par exemple, une autre candidature. Oui, oui. Seulement, pour cette stupide histoire de croix, qui oserait se fourrer dans un tel guépier, hein? C'est pas moi, bien sûr. Non, non. Non, non. C'est très beau de dire non, non. Mais tout à l'heure, quand je t'ai dit on va décorer une femme de lettres, ben, tu m'as répondu toi. Oui, oui. Ouais, et puis d'ailleurs, tout le monde l'a eu en même temps que toi, cette idée. Hein? Tous nos amis, l'Éternel, l'Anjou, le Général. Quel général? Quel n'est pas de général? Ben si, voyons. Ne pas l'air de pas savoir. Général Chaplin des Gageures. Je m'ai entendu parler du général. Tu sais bien l'auteur sur le manuel, là, de... Quel manuel? Oh, du machin des choses, tu sais. Ah oui, bien sûr. Tout ça prouve que de me présenter serait pour moi une sorte de devoir. Mais pourquoi? Bon, mais je t'en supplie, ne t'énerve pas, hein, ne t'énerve pas. Bon, bien, tu comprends bien que ça s'agit de moi. Tu connais assez mes idées là-dessus. Ah oui? Mais il est évident que si on lui donne ma croix, ta situation sera grotesque. On dira dans les haras, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que Madame Marjorie a pu bien faire pour ne pas être décorée? C'est donc une gourgandine? Elle trompe son mari toute la journée? Oh non, mon chéri! Non, je ne vais pas par-dessus le marché que tu passes pour cocu! Non, mais non! Personne non. ne pensera ça dans les haras! Non, je te connais! On sourirait, tu prendrais la mouche, des mots, un duel, très grave, mortel peut-être! Oh non, qu'on me laisse mon mari! Oh mon pauvre chéri, va! Eh bien, tout ce que tu m'as dit m'a convaincu, je n'hésite plus, je me présente. Quoi? Mais... Victor, non, Louise, Victor! Ah, Victor, défaites les mâles, nous ne partons plus, non. Et il y aura 3 dîners la semaine prochaine. Non, Louise, mais... préparez l'habit de monsieur, il ira ce soir au ministère. Non. Mon chéri aimé, mon chéri, que je suis contente de te voir heureux, mon chéri. Nom de Dieu. J'apporte les dossiers de la promotion de la Légion d'honneur qui sont arrivés pendant l'absence de monsieur le directeur. Candidature intéressante. C'est surtout la croix de femme qui sera amusante. Ah. Alors, Manier, mettez donc ça là, attendez. Voilà. Monsieur Vaubert, voulez-vous téléphoner confidentiellement au vice-président de la commission des douanes pour lui dire que j'ai vu le directeur de l'opéra et que, suivant son désir, mademoiselle Mirecourt passera dans le premier quadrille. Et vous téléphonerez exactement la même nouvelle au président de l'Union démocratique. Bien, monsieur le directeur. Dites-moi, Manuel, j'ai esquissé le discours que je dois prononcer à l'occasion d'une œuvre dont s'occupe ma femme. Seulement, j'ai besoin d'un renseignement, une lacune. Rappelez-moi nous le nom des 9 muses. Des 9 muses? Oui. Terpsichore, oui. Thalie. Ah oui, c'est vrai, Thalie, oui. Melpomène. Ça, ma foi, les autres, monsieur le directeur. Ah oui, vous n'en connaissez que 3. Ben, vous avouerez qu'il est un peu raide d'être chef de cabinet du directeur des Beaux-Arts et de ne pas savoir le nom des 9 muses. Je vais m'informer. Oui. Ah non, je ne suis pas secondé. Monsieur le directeur des monuments historiques. Bonjour, mon cher ami. Oui, bonjour, je n'ai qu'un instant. Vous savez, je suis tellement occupé. Voici, monsieur le directeur. Monsieur Bourrache, le sénateur de Lyon, insiste pour que soit classé comme monument historique son château de Cantepie. Ah, c'est difficile. C'est difficile, oui. Quel style, ce château? Style radical socialiste. Ah, oui. Et quand il était construit? En 1891. Ah oui, évidemment, ce n'est pas très récent. Mais dites-moi, le château de Chantepie, je connais ce nom-là, moi. Parbleu, monsieur le directeur, c'est là qu'il y a 5 ans, l'ex-ministre des Finances a été pincé avec une petite femme. Scandale, divorce... Ah oui, c'est quelque chose. Oh. Oui, évidemment, c'est pas un château historique, mais enfin, c'est un château où il s'est passé des histoires. C'est juste, monsieur le directeur. Bon, nous verrons ça après tout. 1891, ça n'est pas hier. Allez, au revoir, mon cher ami. Au revoir. Monsieur le secrétaire général du conservatoire. Bonjour, mon cher Bonnarel. Bonjour, monsieur le directeur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà, alors, mon cher Bonnarel, voilà, vous savez que ma femme organise une représentation au profit des anciens premiers prix du conservatoire. Le comité de ces dames se réunit ici aujourd'hui même. Alors, avez-vous recherché le nom des anciens lauréats? Je vous les apportais, monsieur le directeur. Bon. Nous avons eu du mal à les retrouver. Mais les voici. Merci bien. Voilà. Alors, autre chose. C'est bien dans 3 semaines qu'auront lieu les concours de fin d'année. Comédie et tragédie, parfaitement. Très bien. Alors voilà, vous remettrez ceci au directeur. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste des récompenses. Elle a été arrêtée ce matin au Conseil des ministres. Ah. Voilà. Et maintenant, mon cher ami, excusez-moi, mais je suis tellement occupé. Je suis fatigué. Et bien sûr, monsieur le directeur. Au revoir, au revoir. Allez, mon cher ami, rendez-moi donc un service. J'étais en train d'écrire un discours, là, et je suis tellement surmené, vous savez, je n'ai plus beaucoup de mémoire. Alors, rappelez-moi donc le nom des 9 muses. Oh, mais c'est bien facile, monsieur le directeur, voyons. Melpomène. Terpsichore. Terpsichore. Thali. Thali, oui. C'est curieux, les autres m'échappent. Ah oui, oui, voilà, vous n'en connaissez que 3, oui. Ah, mais c'est embêtant, c'est toujours les mêmes. Bon, eh bien, allez, mon cher ami, allez. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir. Alors, vraiment, je ne suis pas secondé. Monsieur le directeur. Oui, qu'est-ce que c'est? Je me suis informé dans tous les bureaux. Personne ne connaît le nom des 9 muses. Oui. Et vous n'avez pas eu l'idée de chercher dans le Larousse? J'y avais bien pensé, mais notre Larousse n'est plus ici. Comment? On l'a fait demander hier au ministère de l'Instruction publique. Oh, c'est intolérable, ils le prennent tout le temps. Monsieur, courez après le Larousse, je vous en prie. Je veux un Larousse ici. Ah, monsieur Maubert, je vous avais demandé une note sur le peintre qui sollicite la commande du plafond de la mairie de Grenelle. La voilà, monsieur le directeur. Ah, très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas une note, ça y a rien. Mais il y a tous ces titres. Ah, où ce titre, oui, prix de Rome, 2 médailles. Ben, et ses opinions politiques, où sont-elles? Vous ne lui avez pas demandé? Si, monsieur le directeur. Mais il m'a demandé quels étaient les vôtres. Alors moi, je n'ai pas su quoi répondre. Ah, très bien. Très bien, monsieur, allez. Comment voulez-vous que je prenne une décision? Oh, que je suis fatigué, que je suis fatigué. Bonjour, Léon. Ah, te voilà. Comment trouves-tu ma robe? Oh, délicieuse. Alors, tu n'oublieras pas ce que tu m'as promis. Quoi, non? De faire donner les palmes à ma couturière. Oui, c'est entendu. Dis-là, tu es prête pour le comité, oui? Tout sera prêt. J'ai envoyé le directeur des musées de province acheter quelques fleurs, et le chef du bureau des théâtres s'occupe des rafraîchissements. Eh bien, bravo. Je suis ravie de te faire connaître, Madame Margerie. Ça, c'est une relation charmante, distinguée. Enfin, une femme comme nous n'en connaissons pas beaucoup. Eh ben, c'est parfait. Dis-la, mais Zakouskine, je pense qu'il va pas nous faire faux bon comme hier. C'est un joli monsieur, ton ami. Comment, mon ami? Mais c'est toi qui me l'as présenté il y a 8 jours. Et depuis ce temps-là, tu lui fais visiter Paris. Dame, un étranger. Je l'ai fait pour être agréable. D'ailleurs, tu en es fou. Non. Mais en fait, je le trouve curieux. Ah, il y a qu'une chose, par exemple, en lui que je ne peux pas digérer. Okay. Ah, oh, bon, cette sacrée manie quand il arrive de m'embrasser sur la bouche. Moi, j'ai horreur de ça, moi. Tu as tort, c'est ce qu'il fait de mieux. Hein? Mais naturellement. Enfin, Léon, tu devrais savoir que dans son pays, c'est la coutume. Quand un homme veut témoigner à un homme important son respect, sa déférence, il l'embrasse de cette façon-là. C'est de la couleur locale. Ouais, ben c'est une sale habitude, voilà. Par contre, ce qui est inqualifiable, c'est sa conduite d'hier soir. Ne pas être venu dîner, s'être fait attendre toute la soirée. Ça, s'il vient aujourd'hui, je compte lui demander quelques explications. Non, ne fais pas ça. Il ne pourra pas te répondre. Pourquoi? Zakouskine a une aventure. Ah? Oui, imagine-toi que je l'ai rencontré tout à l'heure rue de Rivoli, se promenant tendrement, bras dessus, avec une petite femme. Ah? Petite femme de théâtre. Oh! Et qui est cette petite femme? Oh, tu ne connais qu'elle. Son nom et son portrait sont dans tous les illustrés. Je crois même l'avoir vue par ici sur... Tiens, là voilà, Mademoiselle Viviane. Mademoiselle Viviane. Ah, vous voilà, cher ami, nous vous attendions avec une impatience. Ravi de vous voir. Oh, quelle sale habitude. Oh, là. J'apporte le procès du petit divertissement que nous devons danser, madame et Samorel et moi, de la fête, les clous. Benjamin, on a apporté mes fleurs. Oui, madame, le chef du bureau des musées de province rentre à l'instant les bras pleins de roses. Il y a là aussi un lot de dames charitables qui viennent pour le comité. Oh, bon, j'y vais. Quand on laisse des dames charitables toutes ensemble, elles se dévorent. Dans 10 minutes, je ne retrouverai que leur réticule. Oh, vous riez trop. Vous restez pour le comité, mon cher comte? Si je reste, mais j'en suis l'âme, j'en suis l'inspiration, j'en suis la fleur. Chacun dans les œuvres de charité apporte ce qu'il a. Les riches donnent leur argent, les pauvres donnent leur misère. Moi, je donne mon charme. Votre charme, oui. Il est très curieux. Dites donc, et c'est sous quelle forme? 100 000, tenez. avec quelques amis également ravissants, nous avons fondé l'œuvre de l'illusion sentimentale. Ah oui, et ça consiste en quoi? Eh bien, tous les jours, après déjeuner, pendant une heure, nous suivons dans la roue... Dans la roue? Si. Dans la rue? Eh, si, dans la roue. Nous suivons dans la roue les femmes qui ont passé l'âge d'être suivies. Et elles sont heureuses. C'est exquis, ne sais pas? Ah oui, c'est très gentil. C'est gentil. Si dame réclame le comte d'Agostine... Va, Koskine! Au revoir, excellent. Non, non, non, une fois par jour, ça suffit. Au revoir, mon... Aïe, aïe, là. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai fait mal? Eh oui, c'est ma bague. Oh, superbe bague. Qui est-ce qui vous l'a donnée? Femme du monde ou courtisane? Ben, vous en avez de bol, moi je l'ai acheté moi-même. Hein? Oh, c'est moins élégant. Je vais au comité. Pas de la sarité. Monsieur le directeur, cette dame demande à vous reparler en particulier. Ah bon? Bon, qu'est-ce que c'est? Oh, madame Paul Marjorie. Oui, comment est-elle? Ah, oh, elle m'a charmé. Hein? Ah, dame, monsieur le directeur me demande. Oui, oui, oui. Eh bien, attendez une seconde. Faites-la entrer. Madame. Ça ne vous dérange pas, monsieur le directeur? Mon mari viendra me rejoindre tout à l'heure et je serai très heureuse de vous le présenter à tous les deux. Mille grâces, madame. Merci. Je serais déjà venue vous voir depuis plusieurs jours, mais j'ai su que vous étiez absent de Paris. Oui, en effet, je présidais la Société des Amis de Fontainebleau, dont vous faites partie, certainement. Non. Non, alors des Amis de Compiègne? Non plus. Ah non, bah c'est dommage. Nous favorisons beaucoup ces groupements qui deviennent chaque année de plus en plus nombreux. Oui, je sais, aujourd'hui, les hommes n'ont plus d'amis, mais en revanche, toutes les villes en ont. Ah non, là, vous exagérez. Titonnet, Senlis n'en a pas, et Senlis me demande de l'en chercher. Voulez-vous être des amis de Senlis? Pour vous faire plaisir, mais uniquement pour ça. Merci. Mais pourquoi? Parce que moi, cher monsieur, je préfère les villes qui n'ont pas d'amis. Oui, j'adore découvrir un coin de paysage que personne n'a jamais regardé. Un ravin rempli de feuilles, un mur tout raccommodé de lierre, un ruisseau endormi qui ne cherche pas à arriver. Oh, mais dites donc, mais c'est délicieux. C'est dans quoi est-ce? Dans mon premier livre. Vous n'êtes pas bête. Vous êtes charmante. Oh, ne me regardez pas comme ça, vous savez, je suis assez intimidée. Comment intimidée? Mais oui, c'est la première fois que je me vois dans une administration. Et quelle administration? Ah oui, le bois sacré. Comment? Oui, j'ai su que vous aviez appelé ainsi l'administration des beaux-arts. Oui. Avec une ironie d'ailleurs que j'ai fort goûtée. Mais où voyez-vous de l'ironie, cher monsieur? C'est bien ici le domaine des lettres et des arts, le rendez-vous des muses. Ah oui, oui, oui, des muses, des neuf muses, oui. Thalie, Terpsichore, Melpomène et... Et les autres. Et les... Oh, zut. Et vous, monsieur le directeur, vous qui présidez à leur jeu, vous êtes le successeur direct d'Apollon. Apollon? Oh, madame, là, vous me flattez. Eh bien, croyez bien, chère madame, qu'Apollon sera toujours très heureux de vous voir, et s'il le peut, de vous être agréable. Oh, j'en suis très heureuse, parce que j'ai justement quelque chose à vous demander. Ah oui, quoi donc? Eh bien, voilà. Vous savez que je suis l'auteur de plusieurs livres qui ont eu quelques succès. Comment, mais des tirages énormes? Oh, je n'en ai pas d'orgueil. Mon éditeur me disait l'autre jour, c'est incroyable ce que les femmes se vendent en ce moment. Ah, bon, ça a toujours été un peu comme ça. Bref, on m'a assuré que je pouvais sans ridicule poser ma candidature au ruban rouge. Ah, mais c'est une très bonne idée. Vous trouvez? En tout cas, c'est une très bonne idée que de le demander. Ah. Évidemment, ce sera difficile. Il n'y aura qu'une croix de femme dans cette promotion. Parce que vous savez, il y a encore quelques hommes qui écrivent. Oui, oui, sans tête. Et pour cette croix unique, vous aurez des concurrents. Oh, je m'en doute bien. L'une d'elles, surtout, est très, très, très appuyée. Madame de Valrenay. Mm-hmm. Une personne pas très connue, mais de grand mérite. Oh, un peu provinciale, peut-être. En tout cas, soyez assurés, chère madame, de toute ma sollicitude et je dirais même d'une sympathie toute particulière. Merci, je le crois. Ah, voilà un sourire qui sera dans votre dossier. Comment, il y a des sourires dans les dossiers? Bon, j'en ai plein. Il y a même quelquefois bien autre chose. Et quoi donc? Eh bien, il y a des espoirs, des souvenirs, des promesses. Il y a même des dossiers qui n'ont pas de chemise. Monsieur le directeur... Oh, pardon, madame, pardon. J'oubliais que, à votre mérite littéraire, vous ajoutez celui d'une femme irréprochable. Et ça vous servira beaucoup, madame, beaucoup, surtout à la chancellerie. Okay, il ne faut pas exagérer, monsieur le directeur. Une femme de lettres ne peut avoir tout à fait la même morale qu'une autre. Ah, comme c'est vrai. Chez nous, l'imagination galope et on ne peut pas toujours la laisser galoper seule. Nous mettons dans nos romans une odeur de péché qui parfois nous monte à la tête. Tiens, tiens, tiens. Oh, oh, il ne faut pas croire cependant. Tout ceci est bien, bien véniel, bien léger. Oui, oui, oui, oui. Oui. Évidemment, évidemment, on écoute avec indulgence des propos galants et on ne s'en fâche pas. Oh, mais on ne s'en fâche pas du tout, au contraire. Ainsi, cet été... Ainsi Oh, oh non, non, c'est un syrien. Si, racontez. C'est un souvenir, c'est... Mais non, c'est mais pas non. intéressant. Allez, mais si. Alors. Eh bien, ainsi cet été, un de ces soirs aussi tendres, aussi transparents, il y avait sur la terrasse près de moi un beau lieutenant. Et ma foi, je ne sais pas, moi, le clair de lune, l'occasion, l'armée, la nuit tendre, je... Tout à coup, un bras a saisi ma taille et je me suis sentie embrassée. Oh là là, mais embrassée! Comme ça! Oh, oh, oh, ça! Madame, vous venez de gifler le directeur des Beaux-Arts. Mais monsieur... C'est une chose tellement énorme que j'éprouve le besoin de me le répéter. Vous venez de gifler le directeur des Beaux-Arts. Certes, j'ai vu beaucoup de candidats au ruban rouge employés pour l'obtenir, les choses les plus extraordinaires, mais celle-là, madame, personne n'y avait encore pensé, vous êtes la première. Vous venez de gifler le directeur des Beaux-Arts. C'est que le directeur des Beaux-Arts s'est conduit avec moi comme jamais aucun homme ne s'est permis de le faire. Oh, permettez, madame, vous oubliez vite. Mais qu'est-ce que j'oublie? Vous oubliez le clair de lune, le lieutenant. C'était mon mari. Votre mari n'est pas officier. Il faisait ses 28 jours. Ah, oui, alors très bien, madame, très bien. C'est son droit, évidemment, ça prouve qu'il n'a aucune relation, mais enfin, c'est son droit. Bon, oui, mais dans ce cas-là, madame, il me reste à m'excuser auprès de vous. Je vous demande pardon, madame. Non, c'est moi. C'est moi qui vous demande non, pardon. C'est moi, madame, c'est moi. Non, monsieur, non, c'est moi. Non, vous savez, j'ai essayé d'être coquette, mais voyez-vous, moi, je ne sais pas jouer à ça. Je vous demande pardon. Oh, madame, vous croyez que j'ai déjà tout oublié et que, comme nous disons en administration, l'affaire est classée. Oui, ma croix dans le lac. Oh, enfin, vous voilà, chère madame. Je me suis un petit peu attardée. Oh, puisque c'est mon mari qui en a profité. Oh, je suis sûre que tu es sous le charme. Ah oui, ça, je le suis, oui. Venez vite. Toi aussi, Léon. Ah, ces dames veulent te soumettre le programme de la fête. Comment, mais... Accompagne madame Marjorie, voyons. Bon, oui. Moi, je venais chercher le dossier. Quel dossier? Le dossier des anciens lauréats du conservatoire. Voilà, c'est celui-là. Ah, merci. Ah. Monsieur Boutin, premier prix de tragédie, 1897, dans le Cid. Actuellement, treillageur à Vanves. Mademoiselle Pécherelle, premier prix de comédie dans Agnès, actuellement sage-femme. Frongarde, premier prix de comédie, 1899, dans Perdican, actuellement aide bourreau. Oh là là, pauvre garçon. Pardon, madame, je me suis permis d'entrer. C'est... Oh, madame, madame, je vous ai fait peur. Je suis bête, remettez-vous, madame, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette petite femme-là? Ah, te voilà, toi. Partons. Pourquoi? Parce que c'est fini, je ne serai pas décorée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur Champmorel a été avec moi de la dernière inconvenance. Hein? Je vais le gifler. Non, c'est déjà fait, filons. Oh, j'aime autant ça, après ce qui m'est arrivé à moi aussi. C'est arrivé. L'huissier m'a introduit dans cette pièce. Mmh. J'y trouve une petite dame que je ne connaissais pas. Et alors? Alors, elle commence une phrase, s'arrête pile, me regarde avec des yeux, c'est... Oui, enfin, bref. Ben, lâche un cri perçant. Ah oui? Lâche aussi tous les papiers qu'elle tenait. Et disparaît dans une trappe. Comment s'appelle-t-elle? Comment était-elle, cette petite dame? Ah, elle est brune, petite, avec une robe en dentelle. C'est madame Champmorel. Non! Si. Filons. Non, attends un peu. Mais quoi? Il faudrait se sauver comme ça, comme des voleurs, voyons. Mais tu disais que... Je disais, c'est possible, mais attends, laisse-moi réfléchir. C'est précisément parce que le maître de maison s'est maintenu avec moi, je l'ai mis à sa place, que tout ne va pas avoir l'air de l'éviter. Mais il n'y a pas que le maître de la maison, il y a aussi cette extraordinaire petite bonne femme. Qu'est-ce que tu lui reproches? Eh bien, je ne suis pas fatte, mais le regard que Mme Champmorel vient de me lancer là tout à l'heure signifiait clairement, bigre, voilà un garçon qui n'est pas de l'autre côté de l'eau. Tu es sûr? Ah, parfaitement. Oh, si je voulais. Merci. Quoi? Je suis touchée de ton idée. J'en ai une? Ah, je te connais, je lis en toi. Tu te dis... Je plais à cette petite directrice des Beaux-Arts, elle fait tout ce qu'elle veut de son mari. Alors, si je suis un petit peu gentille avec elle, entre deux compliments, je peux très bien lui dire « Faites donc décorer ma femme. » Et si je sais m'y prendre, eh bien, elle me répondra « Mais c'est la moindre des choses, Paul. » Comment elle m'appellerait Paul? Mais c'est effrayant, voyons, mais où allons-nous? D'abord, je ne me suis pas dit un mot de ce que tu me racontes, là. Ah. Oh. Eh ben, tu aurais pensé si tu m'aimais. Oh, ça. Tu es d'un joli égoïsme, je toi. Je deviens fou. Oui, un joli égoïsme. Oh. C'est toi. C'est toi qui m'as supplié de poser ma candidature. C'est toi qui m'as fourré cette idée dans la tête. Et maintenant que je suis dans la mêlée, alors tu me lâches et tu me dis, débrouille-toi. Comment je te lâche? Moi qui fais aujourd'hui pour toi 17 visites. Donc voici la liste, tiens, la liste avec annotation confidentielle. Moi qui ai encore rendez-vous à 5 heures avec le vénérable de la loge de Clichy. Moi qui serre la main des concierges académiciens et des petites bonnes de sénateurs. Moi qui, pour renoncer de ministre, ai passé 3 soirées de suite à l'opéra et on y faisait de la musique. Moi qui, il y a 3 jours, ai invité à la chasse 2 députés qui m'ont flanqué du plomb en derrière. Et tu oses dire que je te lâche? Oh! Eh bien, tout ça ne compte pas, à côté de ce que tu pourrais faire maintenant avec 3 mots aimables et un sourire. Je n'en ai plus de sourire, je les ai tous donnés. Et tu refuses, hein? Oui, je suis fatigué. Oh! Si tu savais comme j'ai sommeil. Ah, ça, c'est bien d'un homme. Mes sœurs, mes pauvres sœurs. Tu es fille unique. Je pense à toutes les femmes qui, depuis que la décoration existe, se sont dévouées pour la faire obtenir à l'homme qu'elles aimaient. Oh. Je pense à toutes celles qui sont venues ici, sous tous les régimes et dans tous les costumes. Il en est venu avec des robes à la grecque et des camées dans les cheveux. Il en est venu avec des robes à crinoline, des boucles anglaises et d'imperceptibles ombrelles. Il en est venu avec des tournures à strapontins, du temps de Grévy. Elles ont sollicité pendant un siècle. Ouais. Et pas une n'a été fatiguée, pas une n'a eu sommeil. Elles ont été rusées, tenaces, coquettes, ingénues, fortes, faibles, chacune selon ses moyens et suivant les ministres. Elles ont tout mis en œuvre pour faire décorer leur mari. Et aujourd'hui, qu'enfin, grâce au progrès, un mari peut faire décorer sa femme, eh bien, il refuse de marcher. Oh! Alors, tu veux que je marche, hein? C'est ça, mais dis-le donc. Tu es fou et c'est un petit peu, quoi. Ah, alors, oh, quoi? Fais donc la cour un petit peu à Madame Champmorel. Oui, ben, moi, je ne peux pas. Je suis désolé de te le dire. Je ne suis pas une étaillire. Je ne suis pas une bagabère. Pas permis d'être aussi belle. Oui, et je ne te laisserai pas nous entraîner dans une sale histoire, dans une nom d'un chien d'histoire, où nous risquerions de casser comme des enfants le joli bonheur dont nous étions fait cadeau. Je refuse. Tu ne m'aimes pas. Comment je ne t'aime pas parce que je ne veux pas, tu sais. Non, d'ailleurs ma mère me l'avait bien dit. Oh, elle s'est pas trompée, ma mère. Oh, je te prie de ne pas mêler ta mère à cette sale histoire. Elle me dégoûte, ta mère, mais je la vénère. Oh. Ah, chère madame, encore là. Je suis très heureux de vous retrouver. Monsieur le directeur, c'était mon mari Jonathan, vous êtes présenté. Ah oui, enchanté, cher monsieur, enchanté. Vous avez en madame Marjorie. Une femme qui vous fait honneur, oui. Une femme d'un talent étonnant. Et aussi, qui a beaucoup de vivacité. Mais oui. Mais si je suis étincelant, c'est que je suis aimé. Vous allez me demander par qui? Non, je ne vous le dirai pas. Le nom est là sur mes lèvres. Je ne vous le dirai pas. Vous remarquez comme je plais? Ah oui, je remarque. Marcel, dites-moi, qui est ce monsieur qui cause avec Madame Marjorie? C'est son mari? Non. Si? Oh, c'est embêtant. Pourquoi? Pour rien. Léon, présente-moi donc, monsieur. Ah mais comment, monsieur Marjorie? Vous n'aviez pas encore rencontré ma femme? Jamais. Vous savez, mon mari est un peu sauvage. Cher ami, j'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse. Oh, c'est vrai. Léon, c'est là que voudra visiter les greniers de la direction des Beaux-Arts. Qu'y a-t-il dans ces greniers? Le musée des faux. Comment? Alors, ma femme veut dire que c'est là que nous installons les tableaux et les objets d'art truqués, achetés chaque année par les services compétents. Oh, mais je veux voir ça, moi. Mais je suis à vos ordres. Notre musée est le plus beau d'Europe, oui. D'ailleurs, nous y veillons, parce que nous ne voudrions pas qu'il puisse y introduire des faux-faux. Mais alors, ce serait des vrais? Oui, oui. Alors, par ici, tenez, je vais vous montrer ça. Passez, je vous en prie. Moi, je reste, je connais. Bon, très bien. Passe par nous. Asseyez-vous, monsieur. Oh, non, madame, non, je ne peux pas, je suis désolé. Moi, j'ai un rendez-vous. Oh, ça ne m'étonne pas. Oh, madame, c'est un rendez-vous avec un vénérable. Oh. Elle est gentille. Oh, madame. Je ne veux pas vous taquiner, je veux que vous reveniez me voir. C'est ça, madame, j'en viendrai. Oh, oui. Bonjour, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Merci. De quoi? J'ai tout compris. Vous avez voulu la joie de rester seuls ensemble pour nous réconcilier. Oh, vous avez sur vous de la finesse. Alors, demain, 5 heures, ça saute? Non, pas demain, pas 5 heures, pas ce saute. Alors quand ça saute? Plus jamais ça saute. Plus jamais ça saute? Oh, oh. Je vous demande la permission de ricaner. Plus jamais ça saute. Vous savez ce que vous ferez? Sitôt que j'aurai passé cette porte, vous vous jetterez à ces bureaux et vous écrirez: reviens, Zakoskine, reviens, mon amour, reviens, mon oiseau. Et je connais Zakoskine, il reviendra tiré d'elle. Brigade, plus jamais ça saute. Mais je ricane, moi. C'est très bientôt, pauvre femme. C'est qu'il a une très bonne idée. Flûte pour l'amour. Zut pour les oiseaux. Je quitte l'étranger. J'ai envie de revenir en France. J'espère qu'il comprendra. Là, Benjamin, faites envoyer cette lettre et apportez-moi un grand verre d'eau avec une goutte de Porto. Oui, madame. Quel régime. Oh, je suis énervée. Je suis énervée. Oh, qui m'énerve celui-là avec son sourire. C'est facile de se moquer du monde quand on n'est qu'un buste. Si j'étais qu'un buste, je serais bien tranquille. Mon Dieu, ma liste, où est-elle? Ah, ça y est. Oh, comment? J'ai eu peur. Vous, monsieur? Oh, pardon, madame, j'avais oublié ici ce papier, je me suis permis de... Oh, permettez-vous, je vous en prie, permettez-vous. Oh, je m'en vais. Oh, c'est pas gentil. J'ai mes... Oh, ce qui serait gentil, au contraire, ce serait de me tenir un peu compagnie. Oh, asseyez-vous là. Bon, oui, bon, un petit moment, oui. Oh, mon enfance ne fut pas heureuse. Ah, bon. Toute petite, je donnais déjà 1000 sujets d'inquiétude à mes parents. J'aimais rester de longues heures à ma fenêtre, à regarder passer les gens dans la rue. Et j'avais déjà l'impression que je ne connaîtrais jamais le bonheur. Ah. Oh, merci de la sympathie que vous m'exprimez. Donc, mettez ça là. Un peu de Porto. Volontiers. Nous avons depuis 15 jours un temps vraiment désagréable. Oh, oui, le fond de l'air est frais. Oh, oui. Irez-vous à la montagne ou à la mer cet été? Oh. Oh, nous sommes ridicules. Oh, voulez-vous que nous rangions dans un tiroir tous les chichis et que nous soyons à la bonne franquette? Oh, comment, mais je crois bien que je veux. Moi, je suis simple comme bonjour. Et moi comme bonsoir? Vrai? Oh, surtout par cette chaleur. Je ne peux être un peu femme du monde qu'en hiver. Moi aussi. Ça ne m'étonne pas. Vous avez l'air si bon garçon. Vous avez une figure de... Comment dire? De distribution de prix. Oh, j'aime ça. Ah, quelle drôle de petite bonne femme vous faites. Quelle drôle de petite dame. Oh, mais je ne suis pas une petite dame. Et qu'est-ce que vous êtes donc? Oh, c'est intime. Oh, eh bien... Vous ne le répéterez pas? Promis. Et ben voilà, quand j'étais petite un jour, mon parrain m'a dit « On te prend pour une demoiselle, mais on a tort. Tu n'es pas une demoiselle. Tu es un petit animal sauvage. » Et ben je suis ça. Un petit animal sauvage. Qui guette, qui grimpe, qui court, qu'on n'attrape pas. Oh, et surtout, qui ne peut pas rester sur le même arbre. Un écureuil. C'est ça, un écureuil. Un peu oxygéné. Ah, vous n'êtes pas du tout ce que je croyais. Oh, pas du tout. Tout à l'heure, je regrettais d'être venu. Maintenant, je ne le regrette pas. Ah non, j'ai l'impression, mais charmant d'être en plein air, d'aller à l'aventure, à travers champs, en bon camarade. Oh oui, en bon camarade. Seulement, mes bons camarades n'avaient jamais la main si petite que ça. Oh, je ne leur en veux pas. Voulez-vous encore un peu de Porto? Oui. Oh oui, un peu de Porto. Oui, alors, il faudra me rendre ma main. Oui, la voilà. Tenez. Oh, nous nous sommes trompés de verre. Et alors? Oh, c'est grave. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais ce que vous pensez. Dites-le. Oh, c'est très gentil, ce que vous pensez. Oh non, mais dites donc. Dites donc, voulez-vous bien? Ah, alors là, elles vont un peu loin, vos pensées. Ah oui, elles vont loin. Oh, elles vont loin. Je sais où j'en suis. C'est bien ça, je suis plus le même homme, je ne me reconnais plus. Vous me plaisez. Non, mais vous me plaisez. Il me vient des idées incroyables. Je pense à des poésies, à des machines, à des voyages dans des pays. L'Espagne et ses fjords, la Norvège et ses corridas. Oh. Jamais on m'a proposé des voyages pareils. Eh bien, moi, je vous les propose. Oh, oh mon ami. Oh, Adrienne. Adrienne, je suis content, je suis heureux, comme le jour de l'ouverture de la chasse. C'est moi, comme le jour de ma première faute. Oh, oh. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Oh, il y a une chose que vous ne savez pas. Je n'ai encore jamais trompé ma femme. Non. Et si, et je sens que ça va m'arriver, c'est effrayant. Oh, mais remettez-vous, mon ami, et ne rougissez pas de votre modestie. Oh, je suis si heureuse. Pourquoi? Oh, ça avait toujours été mon rêve, de rencontrer un homme sage. C'est tellement inespéré. Ah, ben dites-donc, qu'est-ce que vous croyez? Ah, mais non, oh, mais pas du tout. Ne jamais avoir trompé sa femme, c'est la virginité pour un homme. Ah. Oh, n'ayez pas peur. J'ai le sentiment de ma responsabilité. Je ne vous abandonnerai pas. Merci, je vous crois. Oh, j'ai trouvé mon arbre. Je suis bien. Je m'installe. Oh, petite écureuil. Petite écureuil. Ben voilà, ça y est. J'étais venu chercher ma liste, tu sais. Alors, nous causions comme tu m'avais dit. Je t'avais pas demandé de causer aujourd'hui. Tu es d'une mauvaise foi. De quoi parliez-vous? Eh bien, de ce que tu... poésie, musique, écureuil. Mmh. Mmh. Eh bien, nous les expliquerons en voiture. Non, je m'y rentrerai à pied. Oh, mais il y a une chose que nous n'avons pas décidée. Où répéterons-nous généralement notre petit ballet, ça? Ici, c'est impossible. Dans un ministère, on ne peut pas travailler. Ben, voulez-vous chez moi? Chez nous? À la maison? Oh, quelle bonne idée. Monsieur le directeur. Madame. J'espère que nous nous quittons en bon terme. Les meilleurs, chère madame, les meilleurs. Et pour vous le prouver, voyez, je n'ai pas de secret pour vous. Voici la carte de la personne que je vais recevoir. Oh, madame Lucie de Valrenay. Au revoir, monsieur le directeur. Dommage, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Soyez assurée que je n'oublierai jamais ma première visite à la direction des Beaux-Arts. Moi non plus. Benjamin. Monsieur. Benjamin. Comment suis-je? Mais aussi bien que possible, ah, monsieur. Bon. Rien de cloche. Mais non. Bon. Là. Fais entrer, madame Lucie de Valrenay. Pardon, monsieur, mais il y a erreur, monsieur, j'attends madame Lucie de Valrenay. Oui, c'est moi. Comment c'est vous? Oui, je vais vous dire, c'est mon pseudonyme, n'est-ce pas? Vous savez, oui, voulez-vous me foutre le camp? Sortez, madame, monsieur, sortez. Ah, les neuf muses. Naturellement, il leur en manque. Voyons, il y a Clio, Euterpe, Erato, Polymnie, Calliope, Uranie, Euphrasine, le 1, 2, 3, allons bon, j'en trouve 10. Que la place, qu'elle soit fichue. Ah, Louise. Louise, monsieur est rentré. Non, madame. Tiens. Que tout soit prêt pour 5h30, on répétera ici. Madame Chamberal s'habillera dans ma chambre et le comte Zakouskine dans la chambre de monsieur. Bien, madame. De lui s'envolent vers la plaine, tilalala, tu. Voilà. Oh, les jolies flotteurs. Oui, bonjour, mon amour. Tu as l'air bien gay. J'ai l'air gay, moi? Oh, je vais pas l'air si gay que ça, non. Enfin, si, j'ai l'air gay parce que j'entre. Où as-tu été? J'étais au syndicat des agriculteurs. Oui, il me semble depuis 8 jours que tu mets beaucoup plus de temps qu'avant à faire tes courses. Oh, voilà une idée. Extraordinaire. Ah, ben, dis donc, j'ai été aussi chez l'armurier. J'ai commandé 1000 cartouches. Tu sais, 1000 cartouches, ça n'a pas pris un moment. C'est vrai? Ta parole d'honneur? Ne me demande pas ma parole d'honneur pour une chose aussi belle. Tu me froisses. Mm-hmm. Allô? Gutenberg, 35-62. Oui. Allô, c'est l'armurier. Ici, monsieur Paul Margerie. Voulez-vous, cher monsieur, me livrer sans faute demain 1000 cartouches? Oui, monsieur Margerie. Merci. Au revoir. Dis donc, Thierry, tout à l'heure, tu m'as demandé de te donner ma parole d'honneur. J'ai refusé parce que ça m'a paru, enfant. tu sais comme ça, je te la donne, je te donne ma parole d'honneur, que j'ai commandé aujourd'hui même 1000 cartouches chez mon armurier. Je te jure que cette suspicion, c'est... Enfin, tu es nerveuse, hein, je le comprends. Pourquoi ? C'est du naturel, cette décoration, l'impatience. Oui, oui, oui. Enfin, les nouvelles que j'ai rapportées hier, elles étaient bonnes, quoi. Je tiens plus du tout à cette croix. Oh, tu as tort. L'autre jour, j'ai fait quelque chose de pas très joli. Comment ? En te demandant d'agir auprès de Madame Champmorel. Oh, pou, c'était un enfantillage. C'est depuis cet instant-là que je suis inquiète. Comment ? Combien de fois l'as-tu vue ? Tu avais deux visites officielles. Officielles, au sein. Mais je te jure que c'était très convenable. Mm-hmm. Bon, ça n'est pas du tout la femme qu'on croit. C'est une femme très, très bien. C'est... Puis, c'est... oh là là, c'est pas du tout mon genre. Qu'est-ce que c'est, ton genre ? C'est toi. Embrasse-moi, mon genre. Tu es gentil quand je te crois. À la bonne heure, je suis content. J'ai besoin de savoir que je te laisse heureuse quand je pars. Enfin, ça, c'est vrai, tu sais, ça me gâche tout mon plaisir. Quel plaisir ? Ben, quand je vais au syndicat des agriculteurs ou alors chez mon armurier. Je t'aime bien, bien. Les papillons de nuit s'envolent vers la plaine. Madame, monsieur le comte Zakouskine est là. Et voici une lettre qu'on vient d'apporter de chez monsieur Desfargettes. Il est revenu de voyage ? Oui, madame, ce matin. Eh bien, vous direz à monsieur Desfargettes que je le recevrai avec grand plaisir. Je vous demande pardon, madame. J'ai amené Dourakine, mon musique. Pour la bouillasse. Mais j'en ai ce qu'on vous en dira. Pastor Vesinovich Friva, l'Ousmani Karanev Nestroch, le Bézien Maraf Gla. Qu'est-ce qu'il dit? Ceci. Si cette dame était une esturgeonne de la Volga et que je fousse un esturgeon, il y aurait beaucoup de caviar à l'automne. Oh. Il y a encore des domestiques. Ah, mais, Bostarifus. Voilà. Non! Cher ami, vous avez tout le temps de vous asseoir. Si j'ai devancé ce qui est pareil à la colombe de l'Ars, j'arrive une bonne nouvelle à la main. Eh bien, donnez vite. Ce matin, grand déjeuner à l'ambassade. Oui. Haute personnalité politique, leur maîtresse, les maris de leur maîtresse, enfin l'intimité, quoi. Les sujets des prochaines décorations étaient mis sous la nappe. Et c'est ainsi que j'ai appris la nouvelle magnifique. Quoi? Vous êtes proposé par la croix. Père les ministres. Non. Si. Oh, ça fait tout de même. Vous comprenez? Oh, si. Votre dossier a été transmis au conseil de l'ordre qui l'examine. Ah, c'est vrai, j'oubliais, il y a encore ça. Oh, ayez confiance. Il y a si bien qu'il peut y avoir quelques petites difficultés, n'est-ce pas? Ces messieurs du conseil de l'ordre, ce sont des gens un peu âgés. Mais aussi, pourquoi les patrons pas plus jeunes? S'ils avaient 20 ans, toutes les femmes seraient décorées. Oh. Les printemps décorent tout ce qu'on lui donne. En tout cas, cher ami, je ne sais comment vous exprimez ma reconnaissance. Je vais m'effacer. Mais si, voyons. Si, et alors la moindre des sauces, une bague, une perle, un petit souvenir, je laisse à votre tact. Ah bon? Bien, bien. D'ailleurs, votre joie suffit à me récompenser. Elle me console. Vous avez besoin d'être consolé. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Les corps pulvérisés. Une ingrate. Excusez cette larme. Je n'ai plus pleuré une femme que dans les bras d'une autre. Ça, ça n'est pas de sagrin. Il y a beaucoup d'hommes comme vous, seulement ils ne le disent pas. Je m'excuse, mais quand je souffre, je ne suis plus capable que d'une sauce. Une sauce? Et laquelle? Danser. C'est bien au comité. Bonjour, Desfargettes. Mais dis donc, qu'est-ce que vous êtes devenu depuis 12 jours? Un grand voyage. Un grand voyage, où oui, ça? En Sicile. Je suis arrivé ce matin, vous êtes ma première visite. Et qu'est-ce que vous me racontez là? C'est assez surprenant, mais je dois reconnaître que j'ai fait une gaffe. Une gaffe en quoi? En vous annonçant la décoration probable de Madame de Valrenay. Oh. Oui, j'ai réfléchi, comme je suis assez fin, j'ai deviné que cette nouvelle ne vous avait pas été agréable. Voyons. Si, si, si, si. Et même j'ai juré de réparer ces faits. Vous savez que mon oncle, baron Desfargettes, est un personnage très important de la commission de la Légion d'honneur. Où il jouit d'une grande autorité. Oh, mon ami. Bien, le baron très affaibli, beaucoup de peine à suivre une idée, était le matin même de ma dernière visite, parti pour Palerme, où il allait faire une cure d'orange. En sortant de chez vous, je n'ai pas hésité. J'ai fait ma valise, j'ai sauté dans le train, et trois jours après, je débarquais en Sicile, où je suppliais mon oncle de rentrer immédiatement à Paris. Ah, oh, ça c'est gentil. Il refusa. alléguant que sa cure devait durer 3 semaines. À force d'énergie, je le forçais à tripler le traitement. Je le fis passer de 30 oranges par jour à 90. Le 9e jour, je le poussais dans le train et nous sommes arrivés ce matin à Paris. Oh, merci, merci, mon ami. À 1 heure, je suis retourné chez lui. Je l'ai arraché de son lit. Je l'ai fait masser, teindre, habiller et je l'ai poussé moi-même aux séances de l'ordre. Après qu'il m'ait promis, d'une façon formelle, qu'il s'opposerait avec la dernière énergie à toute décoration de femme dans la promotion des beaux-arts. Vous avez fait ça? Oui. Eh bien, tous mes compliments. Vous avez la main, vous. Mais enfin... Vous avez une précision, une sûreté de la gaffe. Hein, c'est du génie, ça. Mais madame... Mais malheureux, c'est moi qui suis candidate. C'est moi. Mais c'est une catastrophe. Je suis consterné, je vais réparer. Mais qu'est-ce que vous allez encore faire? Je vais téléphoner, je redescends, je remonte, j'en vais tout de suite. Quelle histoire. Pardon, Jean. Monsieur le directeur. Tiens, madame. Avant tout, laissez-moi vous exprimer ma reconnaissance, ma profonde reconnaissance, mon émotion. Je sais que vous avez bien voulu. La seule chose que je puis vous assurer, c'est que le ministre a bien voulu ratifier mon choix. Oh, que vous êtes bon, monsieur le directeur. Asseyez-vous, monsieur le directeur. Que le ministre est bon. On peut dire tout ce qu'on voudra, hein, mais nous vivons une belle époque. Toutes ces réformes sociales, c'est admirable. Oh, quelle belle époque. Ah, c'est mon avis. Ah, oui. Et quand je pense à ce que j'ai fait, moi, oh là là, je suis remplie de confusion. Non, ne parlons plus de ça. Et même en passant, laissez-moi vous dire, n'en parlez à personne. Oui, ça vaut mieux pour vous. Pour moi aussi, d'ailleurs. Monsieur le directeur. C'est la seule récompense que je souhaite pour mon attitude qui, je dois le dire, n'a pas été sans mérite. Je devine ce que demande Madame de Valrenay a dû mettre en œuvre. Hein. Comment est-elle? C'est une femme qui ne ressemble à aucune autre. Je suis sûr qu'il n'aurait tenu qu'à vous. Ça, il n'aurait tenu qu'à moi, évidemment. Mais vous savez, moi, la justice avant tout. C'est très beau, ça. Je dois dire d'ailleurs que vous avez eu auprès de moi un avocat qui a bien plaidé votre cause. Qui ça? Ma femme. Oh, abri, voyons, fais-le bruit dans ma famille, votre mari, ils sont là. Mais justement. Plus tard ailleurs. Non, ici, maintenant. Prenez garde. Oh, que vous êtes bourgeois. Oh, bourgeois, moi, bourgeois, tenez. Oh, eh ben, vous flânez pas, vous, moi. Que vous pouvez être poltron. Poltron, moi, poltron. Oui, c'est même un peu agaçant. Quoi? Vous n'avez jamais eu d'aventure, mais c'est d'abord par hasard. C'est par vocation. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, a comme une odeur de mariage. Oh. Vous trompez votre femme sans goût, tristement, comme on fait une bonne action. C'est pas extrêmement drôle. C'est agréable ce que vous me dites là, tiens. Ça, je sais maintenant. Vous n'aurez jamais l'idée d'une chose vraiment amusante, drôle. Quoi? Ah, je vous m'en bien, pardon. Si j'allais trouver votre femme, que je lui dise, je suis la maîtresse de votre mari. Nous avons passé hier la journée au fond de Passy. Oh. Eh bien, je suis sûre que vous ne seriez pas très content. Vous avez des idées, vous. Et vous, je le ferai. Ce serait épatant. Ce serait fou. Mais non, calmez-vous, je ne dirai rien. Non. Seulement la preuve est faite. Quoi, quelle preuve? Vous êtes un tout petit amant. Un amant pour la province. Oh. C'est dommage, vous êtes gentil, seulement. Vous n'avez pas été pris assez jeune. Adri, vous me faites beaucoup de peine. Oh, bêta. On a mis toutes les affaires de madame dans cette chambre. Si madame veut voir, s'il ne lui manque rien. Oui, j'y vais. Vous allez vous habiller? Non, me coiffer seulement, j'ai ma robe. Et là-dessous? Ben oui, là-dessous. Elle ne tient pas beaucoup de place. Elle est légère, très légère. Oh, je veux voir. Non, réveillez-moi, c'est bien meilleur. À tout à l'heure, Colombe. Oh, cool. Une catastrophe. Il nous manque. Pardon. Qu'est-ce qui nous manque? Le second motif du morceau. Le second motif du morceau? Mais... il n'est pas là. C'est tout ce qu'on doit faire ça à Zakouskine. Moi, je pense que je danse l'après-midi d'une fois. Qu'est-ce que vous me racontez là? Ça, c'est faire ça à Zakouskine. Oh, quel après-midi. Alors, moi, j'ai mis ma robe de neuf pour rien. Oh, c'est merveilleux. Oui, mais du calme, du calme. Alors demain. Non, pas Lee, pas demain. Voyons, Adri. Non, il faut être prudent, mon ami, très prudent, trop prudent. Adri, je suis fâchée. La porte de la direction des Beaux-Arts se plie pour Monsieur Chamborel. Portez-le lui dans le salon. Adrienne, tu m'embêtes. Oh madame, madame, et vous aussi, monsieur, je vous apporte une grande nouvelle. L'événement que nous pressentions est maintenant officiel. Ce jour est un grand jour pour vous deux. Madame, au nom de la République, au nom du gouvernement et au nom des Beaux-Arts, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Canaille. Comment? Je ne sais comment vous exprimer mon indignation, monsieur. Ma reconnaissance, monsieur Lyriker, ma reconnaissance. Je suis bouleversée, vous savez, je suis bouleversée. Non, mais remettez-vous, chère madame, remettez-vous. Monsieur, je vous adresse mes sincères félicitations. Oh, madame, moi aussi, je vais vous dire quelque chose. Oh, je ne vois pas, madame. Je ne croyez pas que je veuille vous complimenter pour cette récompense imméritée que vous venez d'obtenir. Non, d'abord, je ne saurais pas, je ne m'y connais pas très bien. Je voudrais seulement vous dire que depuis un petit moment, je suis émue. Vraiment, au fond du cœur. Vraiment? Oh, oui. Et si jamais une personne vous avait fait du mal, peut-être malgré soi, je voudrais vous dire qu'elle le regretterait jusqu'au fond du cœur et qu'elle ne recommencerait jamais. Jamais. Merci. Oh, elles sont gentilles. Oui, merci bien. Tu viens, Léon? Oui. Francine, écoute-moi. Je n'ai rien écouté. C'est vrai, tu veux pas? Non, je... Tu sais, Francine, je suis très, très malheureux. Parce que c'est bien fait. Ma Francine, faut me consoler. De m'avoir trompé. Mais oui, oui, justement. Ça me fait une peine. Alors pourquoi l'as-tu fait? Je sais pas, Francine. Je me repens. Tu te repens? Faut pas avoir été coupable que tu te repens. D'avoir été pincé. Ben oui. Quoi? Enfin non, je veux dire les deux. Si tu savais, comme j'avais peur. Je pensais à toi tout le temps. Tu pensais à moi? Ben c'est du propre. Non, c'est pas vrai, j'y pensais jamais. Tu n'y pensais jamais? Oh, c'est abominable. Je te jure. Mais qu'est-ce que tu me jures? Je sais pas, ce que tu voudras. Oh, c'est facile à dire. Oui, je m'exprime mal. Les mots qu'il faudrait pour te convaincre, ils existent. Seulement nous deux, il n'y a que toi qui pourrais les trouver. Et c'est justement moi qui en ai besoin, c'est tout de même embêtant. On n'a pas d'excuses, personne ne peut vous en découvrir, hein? Ah, ben si tu me donnais 2 ou 3 jours de réflexion, ben j'en trouverais des excuses. Et oui, et de très bonnes encore. Tiens, quand ce ne serait que dans tes romans. Le roman. Mais dans tous, il y a un mari qui trompe sa femme. Souvent même, il y en a plusieurs. Et toujours les femmes pardonnent à leur mari. Et elles les aiment davantage après. Et on pleure, et on rit, et c'est magnifique. Et c'est ça que tu trouves bien, et c'est ça que le public demande, et c'est ça que l'académie couronne. Eh bien, le roman, c'est pas la vie. Oui, et bien alors les romanciers sont des malfaiteurs. Folle. Parfaitement. Et votre littérature, c'est une sale blague. Sans elle, nous serions déjà dans le Périgord. Sans elle, tu ne m'aurais pas emmené à la direction des Beaux-Arts. Et sans elle, tu ne m'aurais pas dit, parce que tu me l'as dit, sacré nom d'un chien. Tiens. Oh, tu sais, quand je pense à tout ça, et je m'humiliais, moi, tout à l'heure, eh ben, j'avais l'air intelligent, tiens, tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui aurais dû me demander pardon. Enfin, Paul, comme tu me parles. Oui, je te parle comme j'aurais dû le faire depuis longtemps. Tiens, mais j'osais pas, j'avais peur de toi. Tu avais tort. Oui, j'avais tort, seulement je t'aime et je t'admire. Là, alors je te regarde, je t'écoute et je me tais. Tu vois, je viens de parler un peu fort, mais c'est fini. Je serais même pas fichu de recommencer. Tant pis. Mais parce que toi, tu es une femme épatante. Et moi, je suis un bon gars. Pas très futé, pas très malin, tu sais bien. La miche, la tartine. Oh, Paul, je te demande pardon, Paul. Oh, ben non, Francine, c'est moi qui te demande pardon. Paul Ma Francine, ma petite Francine, tu es là, je t'ai retrouvée. Moi aussi, je suis là, je me suis retrouvée. Et on s'aime comme avant? Non, on ne peut pas s'aimer comme avant. Faudra s'aimer plus. Je sens que ça me sera très facile. Paul, tu es belle. Vous allez monter ça. Oh. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, c'est parce que je suis pas très moderne. Enfin, cette croix que je vois sur ta poitrine, ça me fait penser à des choses, à des gens. Et alors? À l'armée, à la magistrature, à mon ancien colonel et au proviseur du lycée. On va dire qu'on prend des gens pour qui j'ai du respect, de la déférence, mais pas autre chose. Et alors? Qu'est-ce que tu sais plus fort que moi? Je pourrais jamais me résoudre à coucher avec un chevalier de la Légion d'honneur. Paul! Pourquoi m'as-tu fait te dire tout cela? Tiens, je te la donne. Ne la rends jamais, hein? Francine! Nous n'irons plus au bois sacré. Demain soir, nous serons en Périgord. On m'a écrit que les bruyères étaient toutes roses. Tu sais le rose, hein? Ça va beaucoup mieux que le rouge aux femmes. Oh, ma chérie. Puis tu sais, c'est pas assez. Tiens. Tu sais ce que c'est que ça? Non. Eh bien, c'est le manuscrit du roman que je viens d'écrire. Bien, voilà, ce que j'en fais du manuscrit, du roman que je viens d'écrire. Voilà! Non, mon chéri, c'est trop. C'est dommage, moi je le trouvais joli, ton roman. T'en fais pas, mon chéri. J'en ai une copie. Oh, toi.